Et ils dirent, « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. »